Osmose Radio. L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Hey, bonsoir à tous chers amis et bienvenue dans l'heure du loup sur Osmose Radio, votre émission des musiques sombres et du rock indé et new wave sur Osmose Radio, sur votre web radio préférée. À l'instant, pour commencer cette émission et pour faire la transition avec Patrick et l'émission Made in France, c'était un morceau d'Indochine chanté tout en français mais qui nous emmenait vers l'Orient. C'était sur l'album L'Aventurier en 1982, c'était les 7 jours de Pékin. Et oui, parce que l'aventurier, hein, quand on parle de Chine, ça nous fait toujours penser à des aventuriers genre Marco Polo, genre Tintin, genre Corto Maltese, ça dépend de votre littérature préférée. Et vous n'aurez pas manqué de remarquer que ce week-end, c'était le nouvel an chinois. Alors, je vous ai proposé une émission sur la Russie à propos du nouvel an russe. Là, j'ai pas de race et je continue dans ce délire puisque j'ai envie de vous proposer une playlist consacrée à la Chine à l'occasion du nouvel an chinois qui a eu lieu ce week-end. Pourquoi ne pas en profiter après tout? Et puisque survivre, c'est l'aventure en Chine, moi, je vous emmène quand même vers des aventures un peu moins dangereuses, une simple expédition musicale du côté de ce grand pays, mais dont on connaît assez peu d'artistes, en tout cas de musiciens, et j'ai envie de pallier un petit peu à ceci très modestement ce soir avec vous, chers amis. Et pour commencer, donc après Indochine, je vous propose de nous mettre dans l'ambiance avec un groupe britannique, celui-ci, les Siouxsie and the Banshees, et le titre Hong Kong Garden. Somebody's crashing everywhere. Freak the Ni hao. C'est tout ce que je sais dire en chinois, m'en demandez pas plus. Ni hao, ça veut dire bonjour, et je vous souhaite bien le bonjour, en cette heure tardive, on va dire bien le bonsoir. Dans l'heure du loup sur Osmose Radio, chers amis, une playlist consacrée à la Chine ce soir, c'était le nouvel an chinois ce week-end. On arrive dans l'année du cheval de bois, si j'ai bien compris, il y a 6 éléments et il y a une douzaine de bestioles, et ça fait un joli camailleux de créatures fantastiques pour après tout égayer le calendrier, c'est pas plus mal, c'est marrant. Le nouvel an chinois, c'est un truc que les Asiatiques en général fêtent entre eux, mais ce week-end il y avait une parade samedi à rue de la République à Avignon, vous y étiez peut-être, en tout cas c'était quand même plus sympathique que la manifestation qui a eu lieu le lendemain. Bref, tacette, on ne parle pas de politique, on va plutôt parler de musique, c'est plus intéressant. Et à l'instant c'était Siouxsie and the Banshees, la magnifique Siouxsie depuis la fin des années 70 qui nous enchante avec que des morceaux de ce calibre-là, Hong Kong Garden, qui est un classique de la scène post-punk de ces années-là, je crois que le morceau est sorti en 79. Un morceau de la même époque que j'ai envie de vous passer, j'ai pas envie de rentrer dans le vif du sujet tout de suite si vous voulez, j'ai envie de vous passer quelques autres morceaux de groupes britanniques ou américains pour nous plonger dans l'ambiance, et on va continuer avec Iggy Pop qui en 1977 sur l'album The Idiot sortait le morceau China Girl. Alors je sais ce que vous pensez, mais non, China Girl c'est un morceau de David Bowie, on connaît tous la version qui était sortie en 81-82, une version très pop, une version qui avait fait un carton d'ailleurs, et en fait le morceau ils l'avaient composé tous les deux, Iggy Pop et David Bowie avaient composé ce morceau là sur l'album The Idiot de Iggy Pop en 77, et David l'avait repris à son compte quelques années plus tard, mais il avait fait des arrangements très chiadés, une production très léchée, enfin David Bowie quoi, hein. Alors que Iggy Pop c'était beaucoup plus crust, c'était beaucoup plus crade, c'était bon, vous savez, ces deux-là font la paire, ils sont assez opposés au niveau du son, mais ils ont fait de bien belles choses ensemble, comme ce morceau dont je vous propose la version originale, China Girl, sorti en 77. China girl says, "Oh, she will just do." shut your mouth. She says, shh. Sandra, il y a une chose importante que je voudrais te dire. Incroyable! Tu as appris à dire que je suis une jolie fille en cantonais. Neto Kelang Tsaya. Negang Mandia. Non, John, hai ha, gan gan gan wa. Non, Omson, Nedi Kayam Kehoa. Salut, Stacy. Assieds-toi là. Toi, Pinkoa. Yo, Segan. Ha, ah oui, t'adore. Thanks, Union. Tu me fais rire. Je pourrais te téléphoner? Quand tu veux. Zing. Sometimes I'm- Damaged Goods, c'était un morceau de Gang of Four, un morceau sorti en 1979, enfin un petit peu plus tôt, mais l'album était en 79 et c'était enchaîné juste avant avec Iggy Pop et le morceau China Girl, et entre les deux intercalé un petit hommage, un petit clin d'œil au fameux film culte Wayne's World, avec Wayne qui drague Cassandra en apprenant le cantonais. Il faut croire que le cantonais, pour draguer les belles plantes d'Asie, ça peut être utile de l'apprendre. Bon courage si vous vous y mettez, chers amis. Allez, Gang of Four, alors un autre groupe britannique, un groupe de la fin des années 70 qui tire son nom, en clin d'œil donc à l'histoire de la Chine, qui tire son nom de l'actualité de la fin des années 70, de cette période-là, puisqu'en 76, Mao est mort, Mao Tse-tung est mort, et on a fait un petit peu le procès de quelques boucs émissaires pour tous les malheurs liés à la révolution culturelle des années 60 et toutes les morts que ça a entraîné. Vous savez, il y a eu des excès, des carnages, des famines, enfin ça a été un beau bordel en Chine à cette époque-là, et donc il fallait trouver des coupables pour ce qu'on ne pouvait pas imputer à Mao, parce que c'était vraiment le grand timonier, hein, et on pouvait rien lui dire à lui. Et du coup on a pris sa femme et on a pris trois de ses collaborateurs, on en a fait un procès qui a duré quelques années, c'était le gang des quatre, le Gang of Four, et on les a foutus en tôle jusqu'à ce qu'ils en crèvent. On parle souvent de la justice chez nous, on parle souvent de la justice aux États-Unis, mais il faut croire que là-bas c'est expéditif aussi. Et donc c'était comme ça que s'est créé, en référence à cette période-là, que s'est créé le groupe Gang of Four au Royaume-Uni. Et donc un groupe dont le son avec cette basse un peu funky a influencé Franz Ferdinand notamment et tous les groupes des années 2000. Enfin, je pense que ça vous aura sauté aux oreilles si vous ne connaissiez pas ce groupe-là, Damaged Goods. Des produits foireux, c'est parfois ce qui nous arrive quand on achète des produits made in China. Je veux pas polémiquer, mais ça arrive parfois. Et tiens, justement, c'est avec Made in China que j'ai envie de continuer avec le groupe de Pékin, Point Blank, un groupe punk, enfin avec des punks, avec des skins, hein. Là-bas ils se font pas la guéguerre comme ils le font ici, ils travaillent en bonne intelligence et ils foutent un beau bordel en bonne intelligence, j'ai envie de dire, notamment sur cet album Made in China qui est sorti en 2007, qui a été produit d'ailleurs par un label français qui s'appelle Bord de Seine, et donc c'est des chansons assez engagées, donc sur le poids de la politique, de la limitation de la liberté d'expression, etc. en Chine, on pourrait croire que c'est super censuré, mais finalement du côté underground, ils arrivent quand même à sortir des trucs intéressants, comme ce morceau que je vous ramène ce soir, un morceau tiré de l'album Made in China, le titre s'appelle Made in China. Oh, take money. You send people, you send people to the fucking jail. We never free, we never free, we never free. Your fucking jail. We will fight, we will fight, we will fight. And you die, we don't care. Fucking jail. We don't need a fucking jail. We wanna kill you, fucking jail. We don't need a fucking jail. You have the condition. You are working for the fucking government. You take the money. You send people. You send people to the fucking jail. We never free. We never free. We never free. Your fucking guy. We don't fight. We don't fight. We don't fight. And you die. We don't care about the girl. We don't need no fucking girl. We wanna kick your fucking girl. We wanna kill you fucking girl. Je viens de vous balancer à bout portant deux bombes électriques dans la tronche, chers amis, avec ces deux morceaux punk qui dépotent, à savoir Point Blank avec le morceau Made in China, et juste après, ce dernier morceau, c'était Miss Andao, et le titre Soul of the Chinese Cops, un morceau court et brutal et efficace dans lequel ils racontent leur déboire de punk avec les flics chinois, ce qu'ils ont envie de leur faire, hein, Funkin' Cops. Je pense que même si vous ne parlez pas très bien anglais, vous aurez compris. Donc vous aurez compris aussi que la contestation existe bel et bien en Chine, sauf qu'elle a du mal à se faire des échos à l'étranger, et cela ne date pas d'hier. On a tous en tête les images de Tiananmen, évidemment. Moi j'étais petit quand j'avais vu ça à la télé, je vous cache pas que ça m'avait vachement impressionné, ce petit bonhomme face au char, là, vous vous souvenez, sur la fameuse photo de la place Tiananmen, c'était dans les derniers jours de la manif en juin 89, et avant que donc tout ce petit monde se fasse écraser voire exterminer. Et toutes les révolutions ont leur chanson, et bien il se trouve qu'en Chine, c'est une chanson rock qui avait été composée en 1987, qui a servi un peu de slogan et de titre fédérateur à tous les étudiants qui se rassemblaient sur la place Tiananmen à ce moment-là. Et c'était un titre de Cui Jian, un morceau qui s'appelle Nothing to My Name. Le morceau a vieilli, je dirais même, ça m'ennuie de dire ça d'un morceau qui est aussi fédérateur et aussi important pour les Chinois, mais c'est un morceau qui est un petit peu mal vieilli. On va quand même en écouter un extrait tout de suite, Cui Jian avec le morceau Nothing to My Name. Non, Abel, non! On avait dit l'Empire du Milieu ce soir, pas les Terres du Milieu. Ah oh là là là là là, Osmose Radio, ils m'ont filé un technicien adorable, mais des fois, il s'en mêle un peu les pinceaux, décidément. Mais bon, c'est pas grave, je l'aime bien quand même. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, chers amis, ni hao, comme on dit en chinois, et soyez les bienvenus sur Osmose Radio, donc dans l'émission L'Heure du Loup avec Stéphane. À la playlist et Abel aux manettes qui donc m'a envoyé un jingle sur les terres du milieu, mais évidemment vous l'aurez compris, c'est l'Empire du Milieu dont on parle ce soir, chers amis, avec cette playlist consacrée à la Chine. Et à l'instant, c'était un morceau, un petit extrait d'un morceau important pour les vétérans de la place Tiananmen, Cui Jian. C'était un morceau donc qui les avait rassemblés et qu'ils chantaient en chœur à l'époque de la fin des années 80, où quelques espoirs étaient possibles. Ils vont sans doute se réaliser avec une petite trentaine d'années de décalage, c'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas. Allez, donc je vous parlais un peu des soucis liés à la liberté d'expression en Chine. Ils les connaissent mieux que nous, c'est difficile d'en parler. Néanmoins, ils existent bel et bien pour la simple raison qu'un groupe qui ne fait pourtant pas de politique hardcore, on va dire, de contestation politique hardcore, comme le groupe Retros, a parfois des difficultés à se produire. Alors, Retros, c'est un groupe post-punk qui s'est créé au début des années 2000. Retros, ça signifie Rebuilding the Rights of Statues, un acronyme dont je ne vois pas trop la signification, je vous l'accorde, mais avec le morceau TV Show, je sais qu'ils ont eu quelques ennuis. Ça parle un peu de propagande. TV Show and the Police, et je vous propose d'écouter ça tout de suite. Ah, le thé. L'une des rares félicités de ce monde. Et une oreille sait si bien le préparer. Merci, une oreille. Une oreille est un moine tibétain. Il a écouté quelque chose qu'il ne devait pas entendre et on lui a coupé l'oreille. Mais le thé, il le fait vraiment bien. Moi, je suis aveugle, sourd et muet, général. Comme les trois petits singes. Ça, c'était quelqu'un à qui l'on n'avait pas raconté l'histoire des trois petits singes. AK-47, un titre, un morceau, un nom de groupe qui fait référence à la fameuse, le fameux fusil d'assaut, avec le titre Wang Jin Chi Jian. Littéralement, ça veut dire l'âge d'or en chinois. Et ne me demandez pas si c'est en cantonais ou mandarin, je n'en sais absolument rien. Et c'était enchaîné juste avant avec Retrose et un groupe post-punk new wave de Pékin. Et le titre TV Show, c'est parler peut-être de propagande par la télé, allez donc savoir. Et entre les deux, intercalé était un un petit extrait d'un film d'animation que j'aime beaucoup, Les Aventures de Corto Maltese, La Cour Secrète des Arcanes, donc qui raconte les aventures de Corto. C'est basé évidemment sur l'œuvre du Coprat, et ça raconte les aventures de Corto entre Hong Kong, Shanghai, Carbine en Mandchourie, et puis le reste de un peu plus loin en Sibérie. Ça se passe au moment de la guerre civile après la mort de Sun Yat-sen, donc dans les années 20, où il y a des tas de seigneurs de la guerre, des généraux locaux qui contrôlaient différents patelins, etc. C'était un beau bordel en Chine à ce moment-là, mais c'était aussi la période donc, dont Malraux parle dans L'Espoir. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui ça évoque quelque chose pour vous. C'est un très beau roman, pardon, pas L'Espoir, La Condition Humaine, excusez-moi, avec Chang dans les premières pages, qui devient un assassin au bout de quelques pages, et c'est assez impressionnant à lire. Donc la violence de cette période-là a donné quand même de belles œuvres d'art, que ce soit chez Malraux ou que ce soit plus récemment chez Hugo Pratt. Vous êtes bien dans l'heure du loup sur Osmos Radio, on va continuer. Alors je vous disais Retros, donc c'est un groupe post-punk New Wave de Pékin. Un groupe intéressant, hein, c'est pas la question, comme beaucoup de groupes chinois que j'ai découvert en préparant cette émission. Mais je dois admettre hein, qu'ils ont un petit peu de mal à trouver leur style. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de copier-coller de groupes occidentaux. Et le morceau qu'on vient d'écouter, donc Wang, que je le retrouve. Wang Jin Chi Jian, excusez-moi, donc L'Âge d'Or, le morceau de AK-47, hein, c'est un groupe qu'on appelle un petit peu le Rammstein chinois, et c'est tout à fait juste comme impression. De la même manière qu'il y a un autre groupe que j'ai découvert qu'on appelle les Sonic Youth chinois, et puis on peut en faire une liste comme ça, il y a des équivalents de groupes comme ça occidentaux en Chine. Et c'est bien, c'est pas la question, mais c'est même pas forcément du copier-coller, mais simplement ça reste un petit peu terne, quoi. Alors qu'il y a des... ils ont un petit peu de mal à trouver leur style, d'autant plus dans le milieu underground, mais que dans le milieu de la musique populaire, ils sont très très influencés par le J-rock et la K-pop, c'est-à-dire donc le rock japonais et la pop coréenne, donc toutes ces musiques un petit peu désuètes et un petit peu commerciales qui font un carton là-bas, en plus de l'opéra traditionnel cantonais qui écoute les petits vieux. Donc l'underground trace quand même arrive quand même à faire des choses intéressantes en Chine. On vient de s'en faire une petite idée avec ce qu'on vient d'écouter, et on va continuer avec du black metal. Pourquoi je m'énerve? Non, parce que je savais qu'un jour ou l'autre je vous passerai du black metal. Je pensais pas que c'était à l'occasion de cette émission là. Alors au lieu de vous parler du black metal en Chine en particulier, je vais vous parler un peu du black metal en règle générale. C'est un mouvement extrême du métal, évidemment, ça vous le saviez, qui s'inspire notamment des périodes pré-chrétiennes, puisque c'est un mouvement musical qui tire ses racines en Norvège, et on se souvient des années 90, hein, de ces crétins de black metalleux qui brûlaient des églises, n'importe quoi. Mais là, ils allaient un petit peu loin, mais c'est vrai que les groupes de black metal souvent s'inspirent des périodes antérieures aux grandes religions monothéistes, et c'est une idée donc proprement européenne, puisqu'on est quand même dans une civilisation chrétienne, mais... Qui trouve écho dans d'autres parties du monde bien lointaines. Je sais qu'au Pérou, il y a des groupes de black metal qui s'inspirent des dieux incas, par exemple, et en Chine, justement, on a ce groupe que je vais vous passer tout de suite qui s'appelle Tonic. Alors ça s'écrit Tonic, ça se prononce Tonic, ça s'écrit Tonic, comme la tectonique, hein, des plaques, rassurez-vous, pas comme la musique tectonique. Et un morceau qu'on va écouter tout de suite de ce groupe-là. Alors, un extrait de l'album Boutique qui était sorti en 2013, c'était un album qui fait pas mal référence, pas mal d'allusions à l'occupation japonaise des années 1940. Hein, vous savez que le sujet est sensible là-bas et assez douloureux pour beaucoup de gens. Et leur nom, Tonic, c'est une référence aux créatures des limbes, des profondeurs infernales dans la tradition chinoise. Leur maquillage, vous savez que le maquillage des black metalleux avec ce fond de teint et ses couleurs criardes s'appelle le corpse paint, hein, la peinture des cadavres. En fait, c'est eux, ils l'appellent le ghost paint, en référence aux 8 généraux de l'enfer dans la tradition taoïste. Voilà, pour vous donner une petite idée du délire dans lequel ils sont. Ce qui est intéressant avec ce groupe-là en particulier, c'est qu'ils ont beau faire du gros métal bien lourd et bien sirupeux parfois, ils incorporent parfois quand même des instruments traditionnels dans leur musique, notamment le héros. Vous savez, cette petite guitare à deux cordes de la musique folklorique chinoise. Voilà, plutôt que de longs discours, je vais quand même vous laisser vous faire une idée de ce groupe-là avec le morceau Supreme Pain of the Tyrant. enfin, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes malade? Mettez-vous bien dans le crâne que les Chinois ne sont pas des malades. Ma merde alors. Il faut pas embêter Petit Dragon. Un petit hommage à Bruce Lee, hein, ce grand acteur, ce grand cinéaste qui a durablement marqué le cinéma, non seulement chinois, mais mondial, puisque le cinéma de Hong Kong, pour ma part, c'est vraiment un style que j'adore, avec Wong Kar-wai, avec Tsui Hark, avec Johnny To, avec des acteurs comme Jackie Chan, etc. Je vous les cite pas tous, vous les connaissez aussi bien que moi. Très rapidement, chers amis, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, on vient d'écouter un groupe de black metal de Taïwan. Alors vous me direz, Taïwan, c'est pas la Chine. Certes, mais ce sont des Chinois. Taïwan, c'est un reliquat de la Chine avant que les communistes prennent le pouvoir, et donc c'était un groupe de black metal, un des groupes de metal les plus importants en Asie, il faut savoir. C'était des Tonic avec le morceau Supreme Pain of the Tyrant. Et alors on va aller vers la fin de l'émission. Je voulais faire quand même un petit clin d'œil aux minorités en Chine, hein, qui en prennent plein la gueule. Vous le savez, on sait tous, hein, on a tous entendu parler des Tibétains. Plus récemment, avec les émeutes qu'il y a eu l'an dernier, on a entendu parler des Ouïghours dans l'ouest de la Chine, les populations turcophones, les Han, hein, c'est-à-dire les Chinois de la côte méridionale sont parfois pas forcément des modèles de tolérance, mais les choses évoluent, les jeunes générations sont pas forcément aussi matérialistes ou aussi disciplinées que leurs aïeux. Il faut, c'est peut-être très naïf de ma part, mais il faut espérer quelques belles évolutions plus tard, ou pas. On verra. Allez, je termine sur cette petite note d'espoir, chers amis, et on va se quitter avec une musique composée pour la bande originale du film Himalaya, une musique de Bruno Coulet, un extrait de cette bande originale qui fait référence à toute la musique des moines tibétains et toute la musique d'ailleurs des populations himalayennes. Moi, j'espère que cette modeste playlist consacrée à la Chine vous aura permis de découvrir quelques trucs intéressants. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission pré-Saint-Valentin où il sera question d'amour et de sexe. Et en attendant, d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais un petit bisou et puis à bientôt les amis, salut.